Lettre 43e. Calpurnie à son frère Lucius Pison, à Rome. Nicomédie, avril 302. Pourquoi, Lucius, l'homme espère-t-il constamment? Pourquoi attend-on beaucoup plus de l'avenir que du présent? Mais voilà comme nous sommes. Nous portons nos regards en avant, et le bien réel dont nous jouissons ne nous paraît point aussi délicieux que celui que nous voyons briller au loin, et dont la magique lumière éclaire notre imagination. Quelles idées je m'étais faites de Nicomédie! Qu'est-ce que je n'ai pas cru y rêver sur les délices de ce séjour? Toutes ces chimères se sont évanouies devant la triste vérité. Je suis moins bien ici qu'à Rome, parce que j'y suis étrangère, isolée. Ah, qui me l'aurait dit, lorsque je montais avec tant de joie sur le vaisseau? Les larmes que j'avais versées en te disant adieu, le sentiment qui oppressa mon cœur lorsque je vis disparaître le beau rivage d'Hespérie, tout s'effaça bientôt par l'idée de voguer vers les lieux où je croyais trouver le bonheur. Voilà la preuve que l'homme est né pour les illusions. Le bonheur n'existe nulle part que dans son imagination. Elle lui procure d'avance des jouissances. N'importe si elles se réalisent ou s'évanouissent, peut-on prétendre à la fois au présent et à l'avenir? Et si l'homme est heureux par l'espérance, n'a-t-il pas déjà reçu sa récompense, comme le disent les chrétiens? Il y a ici une grande quantité de ces sectaires. L'impératrice Valérie, épouse de Galérius, est du nombre. C'est une raison de plus pour me rendre ce séjour désagréable. Ce sont des gens tristes et tranquilles qui ne voient que du poison dans les plaisirs les plus innocents et qui se font des scrupules et des cas de conscience des choses les plus indifférentes. Brûler un grain d'encens sur l'autel de l'un de nos dieux, manger un morceau de l'Holocauste, est à leurs yeux un crime impardonnable. Aussi arrive-t-il que plusieurs préfèrent les souffrances et la mort. Leur Dieu est donc bien jaloux et bien sévère. Quant à moi, je préfère beaucoup notre bel Olympe, nos dieux et nos déesses. Une immense quantité de ces êtres tout-puissants peuplent le ciel, la terre et la mer. Ils ne se disputent point, ils ne s'envient point les offrandes des mortels. Ils partagent leur trône et leur empire avec chaque étranger qui leur arrive, et sous quelque forme qu'il se présente, que ce soit un oignon, un bœuf, un singe, un monstre, où l'idéal de la beauté, c'est égal, tout est bien reçu, et trouve toujours une place dans l'Olympe, et des hommages et des fêtes et des sacrifices. Aucun être raisonnable, il est vrai, ne peut croire de telles absurdités, mais le peuple a besoin de joujoux, et bien qu'on les lui laisse, et que les êtres plus sages et plus éclairés voient les choses telles qu'elles sont, et ne se créent pas des chimères. Mais à quoi bon m'échauffer, pour ce qui ne me regarde pas et doit m'être bien indifférent? Ah, mon frère, tel est l'effet de l'ère de Nicomédie. Lorsqu'on n'entend que des discussions théologiques, lorsque ses idées engloutissent tout, gâtent la conversation, absorbent l'esprit et dessèchent le cœur, on se trouve entraîné, et malgré soi on prend parti pour ou contre. Agathoclès est aussi saisi de ce vertige religieux. Et je crains qu'il ne soit plus chrétien qu'il ne l'avoue. Ah, si tu l'entendais parler de la pureté, de la sublimité de cette doctrine, de l'effet merveilleux qu'il en attend pour le bonheur du genre humain, tu serais très édifié, je t'assure, à moins que tu ne prises comme moi le parti d'en rire. Je me fâche aussi quelquefois lorsque je ne sais plus que répondre à notre aimable visionnaire, et qu'il est sur le point de m'entraîner un instant. Il a déjà mis mon père de son côté, et ils s'extasient ensemble. Au reste, leurs entretiens n'ont fait que changer de sujet. Ce que lui était jadis Rome et la République, c'est à présent le christianisme. Ils se flattent de retrouver au sein de cette religion toutes les vertus perdues, et des moyens de parvenir au grand but du perfectionnement de l'homme. Et lui aussi a sa chimère et ses joujoux qu'il faut lui laisser. Du reste, je l'ai trouvé extrêmement changé, et si pâle que j'en fus effrayé, la première fois que je le vis. Voilà les effets de l'amour, et on en fait le dieu du bonheur. Je croirais bien plutôt qu'il est celui du malheur et du désespoir. Dernièrement encore, j'ai vu un triste exemple, des désastres qui le suivent, et si jamais j'avais eu le moindre penchant au culte du fils de Vénus, je serais bien guéri de cette erreur. Depuis que j'ai vu Agathoclès et Sulpicie. Il y a 10 jours que j'eus la visite de Tiridate. Je ne crois point qu'il soit amoureux, lui. Il est trop beau, trop frais, trop animé, pour qu'on puisse le croire, et sa figure m'a autant frappé d'admiration que celle de nos pauvres amis de pitié. La force, le courage, la vie et toutes ses jouissances se font remarquer dans toute sa personne. Il m'apportait une lettre de Sulpici. On y voyait à chaque ligne le mélange d'un bonheur apparent et d'un chagrin secret. Elle me conjurait de lui donner, par ma présence, la jouissance désirée de l'amitié. Elle avait d'abord mis la consolation, mais elle l'a effacée, et j'ai bien peur que le premier mot ne fût dicté par son cœur et le second par la réflexion et la prudence. Mon parti fut pris à l'instant. Mon père n'ayant pas le temps de m'accompagner, je dis au prince d'Arménie que le lendemain j'irai avec lui à Saint-Iom. Et pour sauver le danger du tête-à-tête, je priai Agathoclès d'être de la partie. Quel homme singulier que cet Agathoclès! Au lieu de se sentir honoré de ma confiance et heureux d'être invité par moi, il essaya quelques représentations sur l'inconvenance, pour une jeune personne, de voyager avec deux hommes non mariés. Il ne se rendit que lorsqu'il me vit irrévocablement décidé et très indifférente sur ce qu'on pouvait en dire. En effet, Tiridate, l'amant de mon ami, n'est-il pas pour moi comme un homme marié? Et Agathoclès, le froid, le sévère Agathoclès, n'est-il pas aussi marié avec l'ombre de sa Larissa? Je ne fus pas insensible pourtant à l'intérêt qu'il prend à ma réputation et à la franchise avec laquelle il me parla. Je me sentis honoré de sa protection et à l'abri de tout blâme sous l'égide de sa vertu. Oh, comme il serait adorable s'il voulait être moins parfait, moins exalté. Nous partîmes donc pour Saint-Iom. Mes Cappadociens me portaient dans une litière et mes compagnons me suivaient à cheval. Il faisait un jour de printemps délicieux, la campagne était superbe, l'air chaud, le ciel serein, tout invitait à la joie. J'étais heureuse, animée, et je me laissais aller à ma gaieté naturelle. Tiridate et moi, nous abrégeâmes la route par des plaisanteries, des chants, des rires, que j'appelais presque enfantins. Agathoclès, d'abord assez sérieux, se laissa enfin entraîner. Il s'abandonna à l'impulsion générale, il rit de bon cœur avec nous, et nous arrivâmes ainsi tous trois gais et contents à Saint-Iom. Mais hélas, ma gaieté se dissipa bientôt lorsque je vis ma pauvre Sulpici qui vint au devant de nous, pouvant à peine marcher, une image de la maladie et du chagrin. Elle a vieilli de 10 ans. Je n'en sais que trop la cause. À peine avais-je passé quelques jours à Nicomédie que je n'entendis parler d'autre chose que des histoires amoureuses de Tiridate. On y ajoutait le ridicule d'avoir enlevé une matrone romaine, passée, flétrie, plus âgée que lui, ce qui n'est pas vrai, mais on le croirait en les voyant tous les deux, et si malade qu'elle n'avait pu supporter le séjour et le bruit de la ville. On plaignait Tiridate d'être obligé de la soigner. On ignorait sans doute le tendre intérêt que je prenais à elle. Je fus révolté de la manière injuste et fausse dont on parlait de ma belle Sulpici, mais, hélas, j'ai trouvé ici la confirmation de tout ce qu'on m'avait dit. Cependant, je suis obligé de rendre justice à Tiridate. Il ne mérite aucun blâme quant à sa conduite avec Sulpici. Je ne sais s'il lui est infidèle quand il n'est pas avec elle, mais du moins il est tendre, empressé et rempli des attentions les plus délicates. Elle paraît aussi fort contente de lui et ne forme aucune plainte. Rien dans ses propos n'annonce la situation de son cœur que je crois livrée à une peine d'autant plus déchirante qu'elle la renferme en entier, même avec moi, pour qui elle n'eut jamais rien de caché. Lorsque nous fûmes seuls, je la suppliai de me dire la vérité. Sa bouche ne divulgua point son secret, mais sa pâleur, sa maigreur, son triste regard ne le dirent que trop, et lorsque j'insistais pour obtenir sa confiance, un mouvement très vif, un léger tremblement me prouva, à n'en pas douter, qu'elle sait tout ce qui doit l'affliger et qu'elle sent jusqu'au fond de l'âme sa cruelle situation. Mais elle ne l'avouera jamais. Elle aimera mieux se consumer dans son profond chagrin que d'en convenir. Je la plains extrêmement, et je trouve sans doute Tiridate bien coupable. Mais je ne justifie pas entièrement Sulpici. Elle n'a pas opposé assez de force et de courage à la passion qui l'entraînait vers l'abîme. Vois, Lucius, combien ta sœur devient sage et raisonnable. Si jamais j'avais le malheur d'aimer, je te promets bien que ce ne serait pas à la manière de Sulpicie. L'amour chez elle n'est point cette flamme brillante, vivifiante, qui embellit chaque instant de l'existence. C'est un feu sombre et dévorant qui la mine et la détruit. Elle n'existe que pour son amant, et voudrait trouver chez lui cette même passion ardente, exclusive, qui concentre l'âme sur un seul objet et anéantit tout le reste. Pauvre Sulpicie, elle ne sait pas que bien peu d'hommes sont susceptibles d'un tel sentiment, et qu'une femme qui laisse voir à celui qu'elle aime combien elle lui est supérieure à cet égard, agit avec peu de sagesse, et si elle exige d'être aimée comme elle aime, elle prouve qu'elle ne connaît pas le cœur des hommes. Tiridate est jeune, beau, aimé et recherché par les femmes les plus séduisantes. Ne faudrait-il pas qu'il eût le courage d'Hercule pour résister à tout cet enchantement et pour ne trouver de plaisir et de bonheur que dans les bras d'une amante, malade, flétrie et triste? Vraiment, c'est trop exigé d'un être d'une nature aussi légère. Il retourne dans peu de jours à l'armée. La campagne a déjà commencé, et les tourments de ma bonne Sulpicie vont doubler. Je tremble de la voir après son départ, et je crains qu'elle ne succombe à tant d'inquiétudes jointes au chagrin de l'absence. Agathoclès part avec lui. Combien je vais être isolé au milieu de cette brillante capitale. Il est tellement impatient de partir qu'il semble que le sol de Nicomédie brûle sous ses pieds. Écris-moi bientôt et souvent, mon cher frère, tes lettres seront pour moi la plus agréable des distractions, et j'en ai grand besoin dans cette vie insipide et monotone qui sape jusqu'au fondement cette gaieté que je croyais inaltérable. Si cela ne change pas bientôt, je deviendrai le second volume de ma pauvre Sulpicie.